7.35, exercice test, numération. Écrivez les chiffres que vous entendez. 1. 24 et 48, 72. 2. 11 plus 19 égale 30. 3. 57 et 4 font 61. 4. 90 et 6, 96.